J'ai le flot de Madiba. Hein? Arrange, j'ai le flot de Madiba. C'est pour what? C'est important. J'ai du mot pour rien. Un an, c'est dedans. Je suis pas prêt. Je connais le nom, frère. J'ai le flot de Madiba et il kiffe ma bidon. J'suis son bidon. Ils ont l'air qu'ils appellent tous Babylone. Ça vient de créer Tom Tom. J'fais du bruit comme Tam Tam. Introuvable sur le Dom Tom. Donc la bouteille va tomber. Mais bref, hein, salam alaikum. On kiffe les coups. Le combat comme Kimbo. Oh là, j'suis pas un radin, mais tu manges des radis. J'passe à la radio et toi, tu es radié. J'ai guélard, là, quand tu veux me guélant. C'est vrai, j'suis pas gainé, mais j'sais comment les guénis. C'est chaud quand c'est chic, comme c'est chic, quand c'est crap. Gros, c'est quand tu fais chaud, une ambiance en fichat. Chicha quand tu chantes, un délire qu'on fichat. Trop comme tu poches ton, comme chicken, hein. Ce freestyle est magique, mon flow c'est de la pute pour comprendre ton agité. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. Nigo, nigo, nigo, j'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. Nigo, nigo, nigo, j'ai le flow de Madiba. Les femmes c'est comme le blanco, là pour la correction lyrique, c'est érection, risque de troupe dans le rectum. C'est tous des anorexiques, coup de pompe dans la rétine, eux ils mangent les pièces et nous on garde le rectum. C'est le seul dans nos cellos, donc tout le monde Marcello, en comptant mes penses, moi la police veut me sceller. C'est comme Marcello, me choper c'est long, toi tu coules l'ego un peu comme Marcello. Maintenant tout le monde m'appelle, après coup de boule, manchette, la concluse, prosterne. Là dans le rap, moi je m'investis, avec aucune gestue, et pour ma majesté. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. Nigo, nigo, nigo, j'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. Nigo, nigo, nigo, j'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. J'ai le flow de Madiba. Nigo, nigo, nigo, j'ai le flow de Madiba.